Gage. Bonsoir Serge Salle. Bonsoir. Vous allez nous parler des Olmecs, donc. Vous avez une théorie bien précise sur les Olmecs. D'abord, on va expliquer un peu qui ils étaient. Eh bien, moi j'ai vu en entrant dans la première salle du musée d'anthropologie de Mexico une petite statue de bois qui m'a accrochée. Elle faisait 30 ou 40 cm de haut, de type négroïde tout à fait évident, des lèvres très charnues, le nez épaté, des pommettes hautes et des cheveux représentés comme avec des petits escargots. Et il y avait une étiquette « Civilisation Olmec, 1200 ans avant Jésus-Christ ». Alors j'ai cherché et j'ai trouvé que les Olmecs représentaient la première grande civilisation mexicaine brillante, avec une écriture et un système de numérotation, et qu'elle s'est étalée entre 1500 à 500 ans avant Jésus-Christ. Ce que l'on connaît le plus, ce sont des statues monumentales. Leur situation géographique Sur tout le bassin mexicain, la presqu'île de Yucatan, et jusqu'à... ça remonte à la limite jusqu'à la Floride, disons jusqu'à ce point nord. Il y a plusieurs, là aussi il y a encore eu plusieurs on va dire presque différentes interprétations par rapport à la zone réelle d'influence olmèque, parce que il est évident que on parle de essentiellement du golfe du Mexique, donc entre Veracruz, on va dire, et la péninsule du Yucatan. Ça, c'est, on va dire, c'est la zone d'influence olmèque. Les scientifiques parlent de cette zone-là. Mais on se rend compte aujourd'hui que la zone donc d'influence olmèque, ou supposée influence olmèque, aurait largement dépassé ces frontières-là. Elle serait descendue quasiment jusqu'au Costa Rica. C'est-à-dire donc vraiment dans la péninsule donc de l'Amérique centrale, donc juste au-dessus du Panama, et en remontant sur les quasiment sur les frontières aujourd'hui. Il n'y avait pas de ville principale. Alors le seul inconvénient, c'est que on a fait des fouilles, les recherches archéologiques sur la civilisation olmèque se concentrent sur une seule et même région, à savoir celle du Golfe, dont on parlait précédemment. Oui. Mais par contre, on se rend compte que l'influence olmèque a très bien pu, et on a retrouvé, notamment par rapport à des stèles ou des monuments, de l'autre côté, sur la côte pacifique, et toute la région donc des hautes terres mayas, donc le Guatemala, le nord du Salvador, l'ouest du Honduras, vous voyez, donc c'est vraiment le Belize également, et la péninsule du Yucatan, qui était d'influence maya, mais plus tard, puisque l'apogée de la civilisation maya est postérieure donc à la civilisation. Ils sont venus après les Olmecs. On considère Les Aztèques, en même temps que les Aztèques, avant. Les Aztèques, c'est juste avant la conquête espagnole. La création de Mexico, c'est juste l'avènement de la civilisation aztèque, c'est le 13e siècle, c'est du 13e au je savais pas que c'était le peuple mexicain qui venait du nord s'est installé donc à Tenochtitlan, puisque c'est comme ça que s'appelait Mexico précédemment, au moment donc de la migration du peuple mexicain, et quand ils ont découvert dans leur mythologie, il y avait chose qui était intéressant, en disant le jour où vous trouverez un aigle mangeant un serpent, enfin avec un serpent entre ses serres sur un cactus, c'est là que vous devrez construire votre civilisation. Et c'était dans leur prophétie. Mmh. Et quand les ancêtres des Aztèques sont arrivés sur le lieu de Mexico d'aujourd'hui, ils ont vu cet aigle avec dans ses serres un serpent. Voilà. Mais ça, c'est la fin, si vous voulez, c'est 13e, 16e siècle. Les Aztèques, si l'on peut dire, l'apogée de la civilisation aztèque. Alors que les Mayas, c'était entre, on peut dire, le 3e et le 10e siècle après Jésus-Christ, alors que les Olmecs, comme disait donc Daniel, c'était donc bien avant, c'était 1500 à... on peut même aller quasiment jusqu'à l'avènement de notre Christ à nous. c'est pas, on n'est pas certain, entre 400, 500, disait Daniel, 400 avant Jésus-Christ, ça pourrait très bien même dépasser un temps soit peu la naissance du Christ pour nous, Européens. Quoi. Okay. Donc voilà. Donc, mais par contre, si vous voulez, cette influence, on ne peut pas être certain que la civilisation Olmec ait pu, comment dirais-je, prendre la totalité. Ce sont plutôt des sous-groupes qui auraient divulgué en quelque sorte la civilisation Olmec et le savoir, surtout Olmec, qui était intéressant. Et qui est quand même, la civilisation Olmec est la mère, on peut le dire, de toutes les civilisations méso-américaines. Quand je dis méso-américaines, c'est Mexique jusqu'à Panama. Mmh. Ouais, c'est donc Amérique centrale plus Mexique, quoi. Voilà. Bien, bien, bien. C'est plus clair comme ça. Je sais pas, mais. Et ça, oui, si vous voulez. Donc, ces sculptures Olmec, avec des traits négroïdes, comme vous dites, pour vous, ce serait une des preuves de comme quoi il viendrait d'Afrique. Mais il paraît que tout le monde vient d'Afrique, hein, si on remonte aux origines. Donc, en fait, on pense que les peuples vivant en Amérique sont venus par le détroit de Bering, extrêmement longtemps. Oui. C'est ce qu'on a admis, oui. Et vous pensez que... Ah non, moi je pense que oui, ça c'est une certitude. Oui, ça je crois que tout le monde en est d'accord. Et vous pensez qu'une partie de ces peuples vivant en Amérique centrale viennent d'Afrique noire? Ce que je crois, c'est qu'il y a eu des vagues d'implantation. Probablement que le premier foyer humain venant d'Afrique, les gens ont suivi, on dit qu'ils ont suivi le soleil, on dit qu'ils ont suivi le gibier, ils sont remontés par la Corne de l'Afrique, l'Arabie, etc. Ils sont remontés et ils sont probablement passés par le détroit de Bering, ce qui est communément admis maintenant. Mais ça, c'était au début des temps humains, hein, donc ça doit faire quelques millions d'années, 2 millions d'années, quelque chose comme ça. Oui, l'avènement de l'humanité sur Terre. Voilà, sur Terre. Oui. Après, si vous voulez, la période de colonisation, entre guillemets, il faut faire attention à ce que l'on dit, mais l'arrivée de l'homme sur le continent américain, effectivement, ça, je pense qu'on ne peut pas nier qu'une partie, en tout cas, de ces personnes sont arrivées par le détroit de Bering, comme disait Daniel. Ça, c'est indéniable. Oui, je pense que, suivant le gibier, la glaciation étant là, il était plus facile de traverser à l'époque. Il y a 150 kilomètres, donc, entre les deux, hein, entre la Russie actuelle, enfin, la Sibérie, l'est de la Sibérie et l'Alaska dans le détroit de Bering. Donc, bon, ça, c'est... Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, comme dit Daniel, y a-t-il eu des Polynésiens qui sont arrivés sur le continent sud-américain, enfin sur le continent américain, pardon, sûrement. Oui. Et pourquoi pas des Africains? Alors on nous apprend à l'école, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui. Pourquoi c'est le premier à découvrir l'Amérique? Pourquoi on nous l'affirme? On nous dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Parce que c'est le premier chrétien qui a découvert l'Amérique. Voilà, pourquoi on n'est pas scientifique à l'école? C'est un support de chrétien très commun. Il semblerait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ce qui nous laisserait une ouverture d'esprit. Oui, mais les Vikings, alors qu'on a retrouvé des drakkars du côté de Boston et de Terre-Neuve et ainsi de suite, donc avec le Vinland, n'étaient pas chrétiens. Pourtant, à mon avis, ils ont été antérieurs à Christophe Colomb. Alors, franchement, là, c'est à remettre en cause des choses vraiment. Voilà. Ah oui, mais c'est tout à fait le genre de cliché dont on nous a rebattu les oreilles pour consolider notre tradition. C'est tout simple, hein, c'est évident. Donc, effectivement, les Vikings, on commence à peine à en parler. Alors surtout, il ne faut pas prétendre que des Africains ont précédé des Blancs. Mon Dieu, quelle horreur. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, ça c'est sûr que c'est coupe le micro vite. C'est une théorie, je pense effectivement qui se tient, quoi, dans le sens où on a quand même cette culture qui de dominance. On est allé coloniser le Nouveau Monde et on a apporté le savoir et on ne comprenait pas que d'ailleurs il faut quand même. Il faut remettre les choses dans le contexte, c'est que les premiers Espagnols, les premiers prêtres qui se sont intéressés aux cultures, quand ils ont trouvé donc des vestiges pré-hispaniques, donc, se sont demandé, les premiers se sont posé la question de savoir, mais avec qui les peuples vivant ici aujourd'hui ont-ils été en contact pour pouvoir construire de telles pyramides ? Ils ne pouvaient pas concevoir que les gens vivant sur place, donc à partir de la conquête, à partir de 1520, ce qui concerne le Mexique, si vous voulez, puissent avoir construit des pyramides aussi gigantesques et aussi pharaoniques, entre guillemets. Je le dis, pour ne pas... Voilà. Donc, ils ne comprenaient pas. Et c'était quelque chose, c'était automatiquement des gens qui avaient été en contact soit avec des Égyptiens, avec des Romains, avec des Grecs. C'était pas possible autrement, quoi. Ça ne pouvait pas. Donc, il faut replacer les choses aussi dans le contexte historique. Je vous assure qu'il y a notamment Diego de Landa, qui est un des principaux, on va dire, découvreurs, entre guillemets, de la civilisation maya, notamment, se demander comment ces gens-là avaient pu c'était pas possible, quoi, dans leur esprit, c'était anachronique, quoi, avec des gens qui vivaient aujourd'hui, alors que la civilisation avait périclité, quoi, complètement. Ouais. Quand on y va, en incendiant les textes. Les Mayas avaient déjà. La civilisation Maya était déjà. La civilisation Maya était destructrice, oui. C'est une chose. Elle s'était auto-détruite, on va dire, toute seule, jusqu'au Xe siècle, quoi. Donc, c'est l'an 900 à peu près. Où toutes auto-détruite. Auto-détruite, c'est-à-dire, bon. Alors là, c'est pareil, bon, vous savez, entre les scientifiques et les. Oui, on n'y voit pas clair. Quand je dis auto-détruite, c'est qu'en fait, les cités ont été abandonnées. Mm-hmm. Pour la plupart, en l'an 900, toutes les cités ont été abandonnées. On connaît la raison, plus ou moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu apparemment des vagues de famines successives, de sécheresse, donc engendrées par des carottes qu'on aurait retrouvées donc, au pôle. Avec donc des glaciations importantes au nord, mais qui auraient donc provoqué des sécheresses dans l'isthme de la péninsule du Yucatan et toute la partie centra-américaine, donc de culture maya, et les gens auraient donc déserté à travers des guerres d'influence, à travers les prophéties également. Les Mayas n'auraient plus du tout suivi leur classe dominante qui demandait de plus en plus d'afflux de sang, de sacrifices humains et ainsi de suite. Et les gens se seraient révoltés. Il y aurait eu donc, elle aurait été décadente au même titre que d'autres civilisations se sont retrouvées à un moment ou à un autre, sont passées. Et vous prenez la Mésopotamie par exemple. Qui est le berceau entre guillemets de notre culture à nous, elle est devenue décadente de la même façon parce qu'elle a été supplantée par d'autres. Et là, c'est pareil, il y a eu des tas de choses qui ont fait que ces gens-là se sont retrouvés totalement perdus par rapport. Il y a une signification par rapport au ciel aussi, mais je pense que Daniel voudra en parler par rapport à la culture olmèque, parce que c'est vrai que par rapport au calendrier, par rapport au sens divinatoire des choses, il y a un rapprochement avec les Africains. Ce sont les Olmèques qui ont élaboré le premier calendrier tout à fait. Mexicain. Oui. Ah, tiens, j'ai oublié, il est resté à la maison. J'ai un super calendrier en cuivre. C'est le cas. Non, mais c'est ça, oui. Il cultivait du maïs. Oui, il cultivait du maïs, qui est à l'origine une plante africaine. Hein. L'encyclopédie Wikipédia appelle le maïs le blé de Guinée. Le blé de Guinée. Oui. Oui, c'est quand même un monde, quoi. Oui. Mais bon, on ne peut ne pas être d'accord avec aussi des réalités quasiment historiques, quoi. Non, mais. Enfin bon, il faut jamais tenter de. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. C'est vrai que il faut jamais tenter de valider des a priori, des théories personnelles, parfois au mépris de réalités scientifiques. Mais bon, il y a quand même source à débat et c'est loin d'être aucune théorie ne peut être validée avec certitude. On n'a pas de, concernant les Olmecs, on n'a pas de retrouver de corps, retrouver de d'ossements qui permettent justement l'ADN. Voilà, par rapport à l'ADN. Pour, on a les statues. On a que les statues. Que les statues, que les têtes colossales qui pèsent entre 10 et 30 tonnes. Mmh. J'ai même 40. Ouais, mais oui, non, mais plus de 30 tonnes. Donc, on n'est plus à ça près. Non. Et c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Quoi, comme... Mais bon. Alors, comme on a des points de vue qui s'opposent, alors, moi j'ai une petite collection de points de vue scientifiques, oui, de théories de points de vue scientifiques qui affirmeraient. La négritude des Olmèques. Et puis, y a un témoignage d'une dame très connue, très célèbre, qui a une chaire à la Sorbonne, tout simplement. Catherine Mani. Qui se trouve en opposition avec tous ces gens-là et avec tous les témoignages qui continuent. Qu'est-ce qu'elle dit ? D'alimenter. Personnellement, mes certitudes. Alors, Madame Mani écrit dans un livre qui fait autorité à propos des Olmèques, elle écrit « Le voyageur retient essentiellement les traits négroïdes de type éthiopien du visage sculpté au point de conclure de manière hâtive et erronée qu'il y avait dû avoir sans doute des Noirs dans ce pays. » Suggestion reprise par Chavero, qui expose à son tour des théories fort discutables sur les migrations entre continents. Et c'est tout. Est-ce qu'elle est scientifique dans ses propos ? Est-ce qu'elle explique pourquoi elle leur a dit ça ? J'ai épluché les 400 pages et je n'ai pas trouvé de justification. Non. Alors, non, ils sont extrêmement catégoriques. Voilà, ils sont catégoriques, mais ils ne démontrent rien. Ne démontre rien. Alors par contre, j'ai trouvé les photos. Je crois qu'elle parle toute seule, hein, les photos, les traits. On en mettra sur le site internet. Voilà, oui, absolument. Indiesis.com, INDIESIS. Les traits sont tout à fait caractéristiques et les conclusions de pas mal de spécialistes vont dans le même sens. Moi, j'ai trouvé l'ethnologue mexicain José Melgar, qui affirmait tout ça donc en 1869 et en 1871. Il était tout à fait certain de la négritude de ces des modèles Olmèques. Chavero, dont a parlé Madame Mani, a écrit un ouvrage, Mexico à travers de los siglos, en 1887, avec les mêmes conclusions. Mmh. Matthew Stirling, qui est un contemporain très célèbre, directeur du Bureau américain d'ethnologie, a émis le même avis en 1967. Oui. À part ça, on a trouvé d'autres traces un petit peu partout, comme disait Serge tout à l'heure. On a trouvé des traces, disons, de culture nègre un petit peu partout. Moi, j'ai trouvé dans la vallée de Casma au Pérou et en Colombie, il y a des céramiques, des objets d'art, des figurines aux traits négroïdes qui ont été datés au carbone 14 à 1500 ans avant Jésus-Christ. Oui, ça correspondrait à peu près à... Voilà, à la période. Surtout que, pour abonder dans ce que dit Daniel là, par rapport à ça, notamment par rapport à l'Amérique du Sud, c'est que on pense qu'il y a eu une corrélation entre... Enfin, une relation plutôt déjà, dans un premier temps, entre les Olmèques et la culture Chavin, qui est la autant les Olmèques sont la civilisation mère de la Mésoamérique, autant les Chavin sont la civilisation mère de l'Amérique du Sud. Okay. Donc tout ce qui est Inca, qui est vraiment après, d'accord. Mais qui vient après. Il y a les Aymara, il y a les Nazca, avec les lignes et tout, vous savez. Mm-hmm. Donc, bon, il y a des tas de choses. Et donc, et quand on dit que le Costa Rica ou le Panama auraient pu être la jonction entre... On a retrouvé des figurines, d'ailleurs, au Costa Rica, avec du jade d'un côté, donc qui proviendrait de la culture olmèque, et de l'or de l'autre qui vient. Proviendrait du sud. Il y aurait eu des échanges. Exactement. Il aurait pu y avoir cette relation, tout en sachant que ces deux civilisations pourrait très bien être issue d'une seule et même, qui serait une civilisation amazonienne encore antérieure à tout ça. C'est complètement... on a trouvé des vestiges récemment, oui, d'une cité à l'intérieur, en plein cœur de l'Amazonie, et les gens sont en train de chercher, mais par contre... Je suis pas en mesure de vous donner aucune information. Enfin, j'ai pas d'information là-dessus. Je sais pas. On en parle. Et donc là, la théorie sur les Noirs africains. Mais la théorie des Noirs africains, ce serait la même. Enfin, je veux dire par là que qui les serait arrivé bien avant. L'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Il y a, comme disait Daniel tout à l'heure. Bon, moi je sais pas hein, s'il y a eu une arrivée ou pas d'Africains sur le continent. Je suis un peu l'avocat du diable par rapport à ce qu'elle dit, mais quelque part, il y a rien aujourd'hui. On ne peut pas être certain. Personne ne peut dire avec certitude que ce sont ou ce ne sont pas des Noirs. Par rapport à ces têtes-là. Mmh. C'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, ce sont des monarques avec des lèvres quand même relativement charnues, bon, un nez aplati. Alors, je veux bien croire que ce soit des Polynésiennes, hein, mais bon. Ouais, peut-être. Hein. C'est peut-être alors de Nouvelle-Guinée ou de Papouasie, quoi, des Papous. Ou des Fidjiens. Les Fidjiens sont un peu comme ça aussi. Ils sont plus noirs que les Polynésiens classiques. Il y a un mélange. Mais d'où venaient-ils ces gens-là de toute façon? Oui. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est exactement. On en revient toujours au même problème, à savoir sont-ils arrivés par l'Est ou par l'Ouest en fait, oui. C'est ça. Pour continuer les rapprochements, pour voir des ressemblances, est-ce que par exemple avec la langue, entre des langues africaines et cette langue olmèque, il y avait des ressemblances? Oui. On a trouvé beaucoup de ressemblances. Entre les langues qui étaient parlées, ou même qui le sont encore, hein, le malinké par exemple, qui nous parlait, alors des langues qui étaient parlées dans le golfe de Guinée, et puis les langages que l'on a constatés chez les Olmèques et leurs héritiers. Vous avez quelques exemples? Alors, on a trouvé par exemple Wana, qui veut dire l'or d'un côté de l'Atlantique, et Ghana de l'autre côté. On a trouvé le mot fumé, on disait duli ou luli en Afrique. Okay. Et on dit luli en Amérique. Okay. Dans la tradition africaine Bambara, oui, où il y a des personnages un peu folkloriques comme chez nous aussi, des loups-garous, hein, oui. On appelait en Bambara le loup-garou, on l'appelait la mantigui. Mm-hmm. La manteca, après, non, ça doit faire. Voilà, ouais, au Mexique, la manteca. Oui, la manteca aussi. Okay. Oui, là, la ressemblance, elle est frappante quand même. Le diable s'appelait en Afrique Oré. Et il s'appelait Oré. Dans les Caraïbes. Les vêtements aussi. Les vêtements, les pagnes des femmes en Mandé, dans le golfe de Guinée, s'appelaient Gaba. Et ça s'appelle Nagua, à Mexico. Les bananes aussi. On a appelé les bananes, on a toujours appelé bananes, où que ce soit la banane. Ça, c'est marrant. Ouais. Banana, ouais. D'accord. Le problème avec les Olmèques, c'est que on a ensuite, si vous voulez, on a été obligé de dire que les descendants, et du moins sur site par rapport à cette culture donc du Golfe du Mexique, on considère que ce sont des descendants Olmèques, et donc ont une façon de s'exprimer. On ne connaissait pas réellement, on ne savait d'ailleurs même pas comment ils s'appelaient. Les Olmèques, c'est un nom nahuatl qui vient donc du plateau mexicain, donc plutôt de Mexico, ils appelaient ça Olmecas parce que c'était les hommes du pays du caoutchouc. Ah. Mais on ne sait absolument pas comment ils s'appelaient eux. Ah bon? Non, c'est un écrit nulle part. Comment? En fait, on sait comment ils prononçaient à peu près le. Ben, on connaît leur vocabulaire un petit peu, apparemment. C'est. Il était écrit. Non, c'est extrêmement tendancieux. J'en sors alors. Ben voilà, la question est là. Parce que là, je dis, vos preuves, c'est du bidon, là. Non, c'est pas que ce soit du bidon, non, en aucun cas, je ne me permettrai pas de dire ça. On avait une phrase écrite, Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et c'est vraiment. Là, ça prête à confusion. Je suis d'accord, il y a des mots qui sont extrêmement ressemblants et tout. Mais par contre, c'est toujours pareil, quoi. Enfin, je veux dire, scientifiquement, c'est comme si on disait, par exemple, que le basque, ici en Europe, est une langue finno-ougrienne. C'est-à-dire, donc, il y a du finnois à l'intérieur, il y a du hongrois aussi. Il y a des mots d'origine hongroise, des mots d'origine finlandaise dans le basque. C'est vrai. Mais comment c'est arrivé? Comment, c'est pas tout simplement par le biais comment dirais-je, pas des échanges, mais surtout des invasions, pardon. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc, en fait, pour en revenir à votre question, on ne peut pas dire avec certitude qu'on connaît le langage olmèque parce que on a quelques stèles avec des hiéroglyphes, enfin des glyphes plutôt, mais enfin c'est des hiéroglyphes, allez, on va dire ça, avec donc des significations, des symboles, des significations. Voilà. Et c'est vrai que à ce moment-là, on pourrait également, il existe donc une autre, encore une autre théorie. Par rapport à la Chine notamment, où des Chinois seraient arrivés sur le continent américain, parce que je veux dire, tout est possible. Et il y a des gens, il y a des comment dirais-je, des étudiants donc en culture ancienne chinoise qui reconnaissent dans les glyphes olmèques des signes donc ou des caractères pardon chinois. Tout à fait. Et la majorité, en plus, c'est pas un ou deux. C'est, je crois qu'il y a une stèle où Ah, il y tout a. à l'heure, vous parliez d'un professeur que vous avez dit que non, ils sont de type mongoloïde. Oui, ben c'est le monsieur Levine qui Donc est ça se le. rapproche un peu de cette théorie-là, Oui, qui complètement. viendrait de la Chine. Oui, non, mais oui, tout à fait. Mais bon, Et puis là, mais. il n'a pas tort quelque part, c'est pas. Oui. Je pense que c'est une théorie qui se défend. En fait, on retrouve quasiment toutes les races. Oui, non, mais c'est ça, Ce c'est un. que notre propos aujourd'hui, c'est de Oui. dire que des Je trouve que Africains c'est vont traverser un l'Atlantique. grand point de rassemblement international. C'est un point Regarde, regardez, d'international, mais effectivement. regardez-vous. Parce que, toujours avec le même principe, oui, moi je pense effectivement qu'il y a des statues avec des traits asiatiques. Comment voulez-vous? C'est évident. Mais ça rappelle des sculptures éthiopiennes, c'est vrai, des fois aussi, hein. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais ça rappelle pas mal de. Mais vous prenez par exemple Pardon? Angkor Wat, C'est qui est quoi? un site majeur de la civilisation Ah. thaï, de thaï, pardon, cambodgienne, et donc Khmer, la civilisation Khmer, Oui. donc en Asie. Attendez, il y a des similitudes si on va par là. Comment être Les certain? pyramides ressemblent à des bâtiments de. Les pyramides des Égyptienne. Mayas Ah, Maya, oui. ont des ressemblances avec l'architecture. Égyptienne. Thaïlandaise, je Ah trouve, oui, mais aussi avec. bien égyptienne que thaïlandaise. Mais C'est un exactement, voilà. mélange, ça, mais c'est Les très. pyramides à degrés. Oui, Bon, les pyramide pyramides à à degré. degrés, vous prenez les pyramides Maya, mais vous prenez également les pyramides en bas, hein, notamment sur la culture Chavin, la culture Nazca, où vous avez des pyramides à degrés aussi. Donc, qui détient la vérité là-dessus? Comment voulez-vous aujourd'hui dire qu'un Européen n'est pas descendant d'un Vandale, d'un Ostrogoth, d'un Visigoth, avec toutes le brassage et le passage des populations? Pourquoi le continent américain, lui, aurait été occulté de tout ça? Pourquoi? Parce qu'il était tout seul. Vous savez, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il n'y ait pas eu d'échanges, quoi. Donc, on ne peut pas être certain. Personne ne peut dire avec certitude qu'on puisse être ou pas être noir, négroïde ou mongoloïde. Pourquoi pas les deux? Mais je crois que les traces qui peuvent le mieux consolider nos certitudes, ce sont les traces artistiques. Oui. Franchement, je crois que c'est ça. Par exemple, l'Université de Miami a découvert, il y a très peu de temps, j'avais entendu ça à la radio en 2004, l'Université de Miami a découvert que les Olmèques avaient un système d'imprimerie. Un système Oula. d'imprimerie par rouleau. Oui. Moi, ça me fait assister encore en Afrique Oui, il y a l'Afrique, sur oui. les tissus. On imprime encore Oui. les tissus les femmes actuellement tiennent encore des tissus avec le système aromatique. Alors, en Amérique, les Olmecs aussi auraient imprimé du tissu. Ça, c'est l'Université de Miami qui a découvert ça. J'ai entendu ça il y a 2 ans. Oui, parce que bon, normalement, alors, normalement, les civilisations précolombiennes, on va dire, donc, préhispaniques, travaillaient plutôt sur des sortes de ces fameux codex, on peut dire, maya maintenant, mais enfin, à l'époque, il y avait... Peut dire aux auditeurs ce que c'est des codex. Les codex, c'est comme des papyrus, si vous voulez, égyptiens, vous savez. Donc, un peu comme soit sur rouleau, mais là, c'est un accordéon. Mmh. On remet les choses, clac, clac, clac, vous savez, et puis ça, après, ça fait comme un livre. Oui, j'en ai un chinois comme ça. Vous en avez un chinois? Chinois. Ah, ouais. Oui, donc, on a trouvé l'origine des. Voilà. Ils sont bien de Chine. L'origine de Chine. Non. Non, mais bon, il y a des tas de. Quand vous voyez ce monsieur-là sur cette. On irait tout simplement une personne travaillant sur la pyramide de Khéops. Complètement. Bon. Il est bien chocolat. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, je crois que les hommes ont toujours tenté d'élargir leurs horizons. Et de restreindre leur esprit. Et peut-être de restreindre leur esprit, je ne dis pas le contraire, mais d'élargir leurs horizons, c'est certain. C'est-à-dire que soit en suivant du gibier, soit en essayant d'aller toujours au-delà. Ah oui, donc c'est l'instinct, c'est normal. Mais oui, c'est l'instinct. Mais oui, non, mais c'est sûr. Donc, je veux dire, bon, après toutes les interprétations sont possibles. Le tout, c'est que il serait peut-être de bon ton d'avoir des gens qui s'intéressent réellement et qui donnent des. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des. On parlait des sites, des 3 sites majeurs Olmec. Mmh. Il se trouve que la Venta, qui est le plus grand. On en a déjà parlé peut-être tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais on ne peut rien faire sur ces sites-là aujourd'hui. Oui. Parce que ce sont des compagnies pétrolières qui sont dessus et que figurez-vous que c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Et je pense sincèrement que si on n'en sait pas plus sur les Olmecs, c'est à cause de ça. Parce que ce sont des géologues, on en parlait tout à l'heure, ce sont des géologues qui ont fait ça, et non pas des archéologues qui ont découvert les têtes. Et ils travaillaient pour qui ces géologues? La Pemex, Petroleum American, Texaco et compagnie, il y a toutes les compagnies américaines qui vadrouillent dans le coin. Ils ne sont pas attardés sur leur découverte. Mais vous savez, on a dans la partie de la jungle du Petén, qui est donc Guatemala et Mexique, sur la frontière du Guatemala, du Mexique et du Belize, il y a des centaines et des centaines de sites qui sont là, et on n'y va pas, tout simplement parce que le sous-sol est riche. Ah oui. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc on ne veut pas, c'est politique, on ne veut pas en aucun cas aller trouver des... Parce qu'imaginez, après ça devient, c'est patrimoine mondial par rapport à l'UNESCO, oui, oui. Donc hop là, on ne peut plus travailler dessus, on ne peut plus faire de forage, de recherche. Oui. Là, la Venta, c'est un site qui est en perdition complètement. Il y a un aéroport même dessus. Sans déconner. Mais oui, non, sérieux. Il y a un aéroport justement, donc comment voulez-vous que les archéologues puissent travailler dans un environnement pareil? Non. C'est pas possible. Donc, et puis, ça n'a aucune espèce d'importance. Daniel, tout à l'heure, vous me parliez, en parlant de preuves, vous me disiez les meilleures preuves qu'on puisse avoir, c'est par les œuvres artistiques. Vous m'avez bien dit ça, voilà, c'est ce que vous pensez. Ça a traversé les siècles. Oui, mais par exemple, imaginons le fait de construire des pyramides, c'est peut-être pas des transmissions, c'est pas un peuple qui a créé la pyramide, le concept de la pyramide et qui va le transmettre. C'est peut-être une pulsion humaine. Peut-être que les peuples ont la pulsion de créer des pyramides dans certains cas. Et après, pour tout le reste de l'art, c'est pareil, c'est des pulsions humaines, c'est pas forcément vouloir faire des preuves de ce qu'on était. Ça reste de l'art. Comment on peut conclure des choses avec des œuvres artistiques, concrètes. Moi, je crois une chose quand même à propos de ces fameuses statues, en particulier de tête Olmec. Je crois une chose, c'est que bon, on a une pulsion créatrice, on veut faire un être humain. Moi, je comprends pas pourquoi l'artiste Olmec se serait autant épuisé, parce que le bazar, c'est dur, hein. Ah oui. À faire des lèvres aussi bien dessinées avec des volumes très très réguliers, c'est avec une symétrie parfaite. S'il avait fait des lèvres minces et des nez droits et des faces plates, ben, il serait allé beaucoup plus vite. Hein. Oui. Ça, c'est une question idiote, mais c'est une question d'artiste, ça. Alors, le peuple serait venu par le détroit de Bering depuis très longtemps. Il aurait quel type? Il serait comment? Physiquement, il serait comment? Alors là, il y a une autre... Ça ouvre la réflexion sur les vagues successives de migration à partir de l'Afrique, donc jusqu'en Amérique et ailleurs. Parce que on a réfléchi à la question, on s'est aperçu par exemple que la pigmentation variait en fonction tout simplement de l'ensoleillement. Oui, donc après plusieurs générations, on est plus ou moins noir. Au fur et à mesure des générations, la peau s'est éclaircie. Et Langanet, le grand ethnologue, a fait une conférence il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, une conférence à l'INS, à la Revue, où il confirme en fait ce qu'on sait très bien depuis les petits pois lisses et les pois ridés de Mendel, que les caractères raciaux se mélangent et s'estompent au fur et à mesure des générations. Alors, tout le monde était noir, et puis au fur et à mesure des migrations, la peau s'est éclaircie, etc., dans les premiers temps, mais une fois que les populations étaient stabilisées, d'ici ou d'ailleurs, les gens ont continué à bouger par vagues successives. Et c'est pour ça que les Olmèques se sont trouvés à représenter une population, à mon avis, noire, d'immigration probablement récente par rapport aux œuvres d'art. D'accord. Je pense que c'est ça, parce que sinon, les traits ne seraient pas aussi caractéristiques. Moi, je suis persuadée qu'il y a eu une immigration africaine autour, par exemple, je ne sais pas, de 1600 ou 1700 ans avant Jésus-Christ. Parce que, voire antérieur, oui, l'histoire de Lousia, par exemple. Oui. Bon, Lousia, c'est... Voilà, on va en venir à... C'est trop loin, Lousia, pour que les traits soient aussi caractéristiques, c'est trop loin. Moi, je pense que, je ne sais pas, 2000 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Maintenant, on a dit aussi qu'il y avait eu des Phéniciens, j'avais trouvé ça il y a longtemps, des Phéniciens qui avaient emporté des Africains comme esclaves. Alors, il y a juste une petite question que je pose. Moi, ça m'étonne quand même qu'on ait fait des statues à des esclaves. Oui, et surtout avec des casques. Il n'y a pas beaucoup d'esclaves avec des casques. Oui. Non, parce que là... Oui, ils ont des casques. Il y avait un casque sur la grande photo. On a parlé aussi de mythologie, on a parlé aussi de dieux. C'était peut-être des dieux qu'ils avaient voulu représenter. Enfin, des dieux ou des chefs militaires. Ouais. On a parlé d'aristocratie. Ouais, des monarques, un peu de tout. Bon, y a un petit peu de tout. Alors, la grande. Allez-y. Non, je vous en prie. Ça a changé un peu de. Non, mais c'était pour abonder. En fait, On parle de ces têtes négroïdes, mais il existe aussi d'autres représentations où on voit, par rapport aux Phéniciennes notamment, il y a des bas-reliefs où vous voyez une personne qui est représentée et qui ressemble à l'oncle Sam. Ils l'ont appelé d'ailleurs oncle Sam. L'oncle Sam avec une barbichette comme l'oncle Sam, vous savez, l'emblème des États-Unis. Les Phéniciens sont représentés sur toutes leurs fresques et tous les bas-reliefs ou toutes les poteries que l'on connaît d'eux, les Phéniciens et les Mésopotamiens, avec cette espèce de barbichette. Et, que je sache, les Amérindiens n'ont pas de barbe proéminente. Hein. Ils sont des gens qui sont extrêmement peu poilus, entre autres. Voilà. Donc, libre cours à l'interprétation. Quand on connaît dans les mythologies, qu'elle soit Olmèque, qu'elle soit Maya, qu'elle soit Aztèque, puisque les deux dernières découlent de la première, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, il serait représenté la plupart du temps par de type caucasien. L'homme de Kennewick à côté de Seattle, qui a été découvert il y a 4-5 ans peut-être, à peu près, dans ces eaux-là. C'est un homme de type caucasien, blanc. pourquoi pas des noirs en bas? Et pourquoi pas des blancs? Voilà, comme on disait tout à l'heure, il n'y a aucune certitude. Il peut y avoir, il a pu y avoir un brassage et des vagues successives de d'immigration. Pourquoi autrefois on aurait été plus crétin, était homo sapiens sapiens, hein, comme maintenant. Pourquoi on aurait été plus crétin et pas plus lentement, mais pas capable de se déplacer? Voilà, mais c'est exactement. Pour ça. Il y avait des échanges, quoi. Mais il y a toujours eu des échanges dans l'Antiquité. Mais vous savez, c'est une vision, comme on disait au départ, par rapport à notre... Le berceau de l'humanité, on veut bien que ce soit la Mésopotamie, mais en aucun cas ailleurs, quoi. Déjà, le fait que ce soit que l'homme arrive d'Afrique, ça pose des problèmes en termes... de notre façon de penser et de voir les choses par rapport à notre culture. Attendez, vous savez, enfin bon, il y a quand même des choses qui me... Alors, si on veut entrer dans les sujets un peu profonds oui. sur le départ de l'humanité. Mais le départ de l'humanité, ça ne fait plus l'ombre d'un doute, paraît-il. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. On était tous noirs au départ. On était tous noirs. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Coppens, des tas de chercheurs, quand même, ce sont des scientifiques reconnus. On était tous noirs. Et après, c'est par rapport à la dépigmentation qu'on a eu des yeux bleus, ou des cheveux noirs, ou le teint blanc, laiteux, et ainsi de suite. Quoi. Ou des roux, ou des brunes. Bon, voilà, quoi. Et la grande question, c'est comment il serait arrivé en Amérique, depuis l'Afrique? Ça, c'est une belle question. Comme les gens n'avaient pas, disons, d'autres moyens de transport que la mer, ils n'avaient pas d'avion, ils avaient des bateaux faits avec des troncs d'arbres, avec des papyrus aussi, des bateaux qu'ils cousaient ensemble. Ce qu'on appelle les bateaux de course là, en plusieurs parties, les catamarans. Ça existait déjà à cette époque-là. Hein. Mm-hmm. Ils cousaient ensemble d'époques successives de façon à avoir une certaine surface, un certain volume habitable et puis à aller très vite quand même. Mm-hmm. C'est vrai. Alors. Il faut savoir comment sont répartis à la surface des mers les courants marins, essentiellement. Mm-hmm. Sinon, il n'y a pas moyen de s'y retrouver. Parce que là, on se dirait ils ont mis les voiles. Et ils ont mis les voiles, oui. Ils se sont dit, on va tout droit. Et ils sont arrivés en Amérique. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez? Je ne sais pas. Moi qui suis une vieille dame, je me souviens quand j'étais petite, on parlait beaucoup de l'opération du Kon-Tiki. Mmh. Eh oui. L'opération du Kon-Tiki, bon, moi j'avais même pas 10 ans. L'opération du Kon-Tiki, c'était un monsieur qui s'appelle Thor Heyerdahl qui avait déjà ce genre de théorie. Et il s'était amusé, enfin il avait quand même mis sa vie en jeu, à reconstruire des embarcations de type africain et il les avait mis sur tous les courants du monde. Et ça a marché et il a traversé notamment et il l'a fait à travers le Pacifique, ça a marché, et il l'a fait à travers l'Atlantique et ça a marché. Oui. Voilà. Alors sur le Kon-Tiki, c'était à travers le Pacifique et à travers l'Atlantique, son bateau s'appelait Ra. Ra, oui. Il y a eu Ra 1 et Ra 2. Et il a traversé ça très vite. Il a eu des gros pépins. Il a cassé le gouvernail au bout de quelques miles marins. Mmh. Et comme il était sur le courant, il n'y a pas eu de problème. Il a atterri aux Caraïbes quelques mois après. Oui, monsieur. C'est contrôlable dans n'importe quel. Ce sport en particulier, je l'ai vérifié dans l'universalisme. Et puis bon, de toute façon aussi, on peut très bien à la rame, Gérard Labouville a bien traversé. Ils auraient été fainéants à l'époque. Oui, ils ne pouvaient pas l'être, puisque c'était quand même des gens qui étaient habitués. Il y a quand même des peuples maritimes, comme le Vajonon, dans l'Antiquité, et qui auraient très bien pu franchir des obstacles comme les océans. Et puis, après, il y a le mythe de l'Atlantide aussi. Ah, je voulais en parler. Ah, ben j'ai travaillé dessus. Je n'ai pas. Le mythe de l'Atlantide, c'est quelque chose de. Il y a deux faits marquants, on peut dire, hein, c'est tout, par rapport à ça, qui pourraient donc abonder un peu dans ce que l'on dit, à savoir que y aurait-il pas eu un continent entre les deux, entre l'Afrique et l'Amérique, et qui se serait donc affaissé tout bonnement, quoi. Bon, Platon en parlait, ça pourrait très bien être dans la mer Méditerranée, mais pourquoi pas, on savait, ça pouvait très bien être de l'autre côté aussi, parce qu'il y avait deux courants qui s'opposaient, un courant d'eau froide et un courant d'eau chaude. En Méditerranée, c'est pas le cas. On peut le chercher. Possible de mettre la carte des courants sur Internet. Je la mettrai. C'est vraiment la base principale de notre. Vous voulez, il y a deux faits qui donnent un peu cette. Qui permettent d'étayer cette appréciation, si l'on peut dire. C'est que. Vous avez les pétrels, vous savez, les oiseaux, les oiseaux géants, ce sont de gros goélands gris, là, c'est énorme d'ailleurs. Ce sont des oiseaux migrateurs qui partent donc du nord de l'Europe vers l'Amérique du Sud, et qui, à 600 milles du Cap Vert, s'arrêtent, tournent en rond pendant un long moment, et repartent après sur le Brésil. C'est quand même assez étrange que des oiseaux migrateurs s'arrêtent, tournent en rond pendant un long moment et repartent après, tout simplement parce que leur carte mémoire... non mais sérieux, là, je ne plaisante pas. On pourrait leur dire qu'il y avait effectivement un continent ou quelque chose, une île, quelque chose qui était à cette époque-là, à cet endroit-là, pour pouvoir se poser, tout simplement. Ah, très bien vu. Autre chose aussi, par rapport aux anguilles. Les anguilles sont des poissons terrestres. Les femelles... Normalement, pondent dans les eaux de la Garonne. Vous avez les anguilles dans tous les fleuves connus, et elles vont frayer dans la mer des Sargasses. Les saumons, ils remontent les fleuves. Ben, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu pareil. Donc pour aller pondre, pour aller se reproduire. Oui. Pourquoi la mer des Sargasses, y aurait-il pas eu la mer des Sargasses? Je vous rappelle, c'est au large des Bahamas. Donc c'est vraiment dans l'océan Atlantique, c'est vraiment un endroit bien particulier. Y aurait-il pas eu justement des îles ou un pseudo-continent qui se serait affaissé? Pourquoi pas? Une histoire aussi, un rapport entre les groupes sanguins de certaines personnes au Pays Basque et de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Il existe bien ce lien. Ah oui, vous avez déjà entendu parler? C'est une théorie assez solide. Hein. Oui, mon prof histoire, j'ai entendu parler. Avoir des liens, que je suis très bien. 45 ans, et j'en ai entendu parler quand j'étais au Mexique. Mmh. Et oui, c'est une théorie solide. Ça. Mais bien sûr, parce que vous savez qu'on a retrouvé des tonneaux de cidre. Parce que contrairement à l'idée reçue, c'est pas les Normands qui ont. Non, mais sérieux. Charles, oh là là. Charles Morfle aujourd'hui, le pauvre. Ouais. C'est pas les Normands qui auraient découvert aussi, ce sont les Basques, et qui donc ensuite auraient été repris par les Normands. Et les marins, parce que les Basques sont des marins invétérés, sont des gens qui ont écumé toutes les mers du monde, et sont partis donc sur faisaient du commerce avec les Indiens en Amérique avant, après la conquête. Allez savoir, personne n'est certain du coup là-dessus. Et les Basques disent qu'ils en faisaient bien avant que Colomb découvre l'Amérique. Ah. Et on a retrouvé des tonneaux. On a retrouvé des tonneaux de cidre. Ouh. Ils échangeaient sur le continent américain. Donc pour les Basques, c'est sûr. Voilà. Donc, après, je suis pas basque. Je suis pas basque. Ma femme l'est un peu. Mais c'est pas pour ça. Et par contre, Charles, on est désolé. Les Normands n'ont pas inventé ça. Les Normands n'ont pas inventé le cidre. Maintenant, le Cap Vert, c'est effectivement une plaque tournante. Mais oui, c'est une plaque tournante, c'est le cas de le dire. Au niveau au sens propre et figuré. Parce que c'était une des escales de Christophe Colomb. Et c'était une escale aussi Les Phéniciens, on serait allé au moins jusqu'au Cap Vert. Voilà, c'est ça. Au moins. On en reparle toujours dès qu'on parle d'expéditions maritimes, côte atlantique, on parle du Cap Vert. C'est effectivement un endroit, un lieu stratégique. Donc, un courant là et l'autre qui remonte et celui-là perd les biscuits. Et les pétrels s'arrêtent ici et tournent en rond avant de redescendre sur le Brésil. Ah, c'est fou ça. Je veux dire, il y a quand même des. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Ah ouais, ouais. Elle cherche quelque chose en plein milieu de l'Atlantique. Ben, il faut croire. Hein. Mm. Les oiseaux ne cherchent pas pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Nous, on peut toujours essayer de se promener pour rien, mais les oiseaux, généralement, ils ne le font pas comme ça. Non, non. Non, non, surtout les oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un bel exemple. Eh bien, on avait trouvé des trésors. Il y a une grotte aux États-Unis où on a trouvé un trésor qui est peut-être le trésor de... le trésor égyptien de... Ah oui. La belle... De Cléopâtre, c'est... Ouais. Où ça ? Aux États-Unis, dans une grotte. Mmh. Voilà, je vous trouvais ça. En 2003, Franz Joseph publie Le trésor perdu du roi Juba, dans lequel il retrace l'expédition historique de marins mauritaniens fuyant les Romains avec le trésor de Cléopâtre à travers l'Atlantique. Alors ça, c'est une théorie... une théorie, mais ça explique en particulier ce qu'on appelle le mystère des Washito. Alors les Washito, c'est le peuple noir, c'est les Indiens noirs. Ce sont les Indiens noirs. Voilà, ouais. Et c'est très drôle parce que les Washito, c'est un groupe indien noir, très très, ils se portent très bien, ils se multiplient tant qu'ils peuvent, ils ont une dynamique extraordinaire, très très folklorique au sens humoristique du terme. Par exemple, il y a une femme qui s'est déclarée impératrice des Washito, mmh. Et elle fait sa communication dans des voitures de sport. Elle traverse les États-Unis dans des voitures de sport et elle fait autant de bruit qu'elle peut. Elle dit, c'est moi l'impératrice des Washito. Et c'est pas agressif, c'est très, je dirais, c'est très américain dans le sens communication. Mmh. Ces gens veulent qu'on les remarque. Mmh. Ils ne sont pas indépendantistes, ils ne sont pas violents. Et le lien avec notre Afrique et notre... Et les Olmecs. Et nos Olmecs. Et les Olmecs. Ben, c'est simplement qu'ils étaient, eux aussi, ils étaient là avant Colomb, quoi. Ils ont intégré les traditions indiennes, mmh. Ils ont complètement adopté la culture indienne, mmh. Et ils sont toujours là. Eux, finalement, ce sont les seuls qui soient toujours là. Les seuls témoins de cette implantation africaine précolombienne, mm-hmm. Qui aient sauvegardé leur authenticité, mm-hmm. Encore. Ils ne se sont pas métissés. Voilà. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Il n'y a qu'à ouvrir Google sur Washito. Alors, je les ai, les documents. Hein. C'est en anglais, hein, mais c'est quand même très, très. Très éloquent. Hein. Moi, je me suis beaucoup amusée à travailler là-dessus. Oui, il y a aussi des témoignages des gens qui étaient dans l'équipe de Colomb et qui ont donné des... intéressant. Par exemple, Colomb a fait ramener en Espagne des lances. Mmh. Des lances qui étaient en alliage ou les différentes parties en argent, en cuivre et en or. Et il s'est trouvé que les Espagnols avaient déjà trouvé en Afrique exactement le même type de lance, avec la même proportion de chaque métal. Ah. Les pointes étaient en or, mais les proportions, pardon, le même alliage de lancement, etc., c'était exactement la même proportion de cuivre et d'argent. Alors c'est une grosse question, ça, l'histoire des lances. Qu'a trouvé Christophe Colomb, ça c'est une grosse histoire. Et d'autres témoignages dans l'équipe de Christophe Colomb ? Peut-être pas de Colomb, mais de Cortés. Il y avait Grijal, qui était un des lieutenants au moment de la conquête, qui avait trouvé justement un peuple noir sur le Costa Rica aujourd'hui. Il y avait une peuplade de noirs. Donc, d'où venait-il ? C'est la question que je pose. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre. C'est pas un entêtement. Je sais pas qui a raison, qui a tort. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a raison et est-ce que quelqu'un a tort? Peut-être que tout le monde a raison. Et ce serait peut-être mieux d'ailleurs de pouvoir dire ben oui, effectivement, ce continent a été peuplé par des vagues successives d'immigration, comme a pu l'être l'Europe. comme l'Afrique également en a subi, comme l'Asie en a subi, et ainsi de suite. Quoi. Je vois pourquoi le continent américain n'aurait été uniquement colonisé, entre guillemets, que par des Asiatiques, et que les découvreurs seraient blancs. Il y a beaucoup de thèses différentes qu'on pourrait concilier. Exactement. Exactement. On parlait de l'homme de Kendrick tout à l'heure, quand on a découvert cette personne, et les Indiens ne voulaient absolument pas qu'on ait vu le corps, parce que pour eux c'était un de leurs ancêtres, et on s'aperçoit que c'est même pas un de leurs ancêtres, puisque c'est un Indo-Asien. Alors qui a raison, qui a tort? Et en fait, il ne s'agit pas de dire que tel groupe est supérieur à l'autre. C'est absurde. Hein. Disait Van. Oui, Van Sertima. Tous ses travaux soutiennent notre thèse, enfin la mienne en tout cas. Le but du jeu, ce n'est pas de dire tel groupe est supérieur aux autres. Ça, c'est idiot. Mm. C'est la base du colonialisme et du nazisme. Mm. C'est complètement absurde. Mm. Il serait peut-être plus intelligent, plus constructif et plus humaniste de reconnaître les qualités, les performances de chacun et d'additionner ces performances plutôt que de détruire pour dire c'est moi le plus grand. Je pense que c'est comme ça que l'humanité peut avancer plutôt que de s'autodétruire. Bien, on va conclure avec ça. C'est une bonne conclusion. Sachant que ce qui était vrai il y a 20 ans, 25 ans, oui, en termes de certitude scientifique, plus aujourd'hui, et quand sera plus demain. C'est la question. Il y avait des certitudes sur la civilisation maya. Il y a 25 ans, et pourquoi pas dans 25 ans, on saura sûrement un peu plus sur les Olmecs. Quand on a un minimum scientifique, il n'y a pas de certitude. Non. Merci en tout cas à vous. On va aussi conclure par une phrase, c'est que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il a découvert un stock d'or et d'argent pour le roi d'Espagne, ça c'est sûr. C'est tout. Et oui, il était là-bas, d'ailleurs, pour ça. Et les Américains, d'ailleurs, qu'ils soient noirs, blancs ou d'ailleurs, ou polynésiens, l'ont payé au prix fort. Il y a eu 25 millions de morts sur les 21 ans de conquête ce qu'on appelle la Nouvelle-Espagne. 25 millions de morts. Et ça, scientifiquement, c'est prouvé. Alors, ça sera sur mon prochain. Bartolomé de las Casas. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais citer. Ah bon. Donc Daniel, vous retrouvez votre travail sur le site d'Inzedis, oui. Il y a des liens vers Art Tartar. Oui. Voilà. Et puis vous faites partie de, oui. de Expression latine. Ouais. Donc l'émission a lieu tous les mercredis de 20h à 22h. Et la rediffusion. Et la rediffusion le samedi de 16 à 18h. Merci beaucoup. Et maintenant on va laisser la place à la Grèce en musique.